le peuple au guet, que demande le peuple? Des souliers pour danser au guet, des chansons pour chanter. Mazarin, dit-on, a dit ce fripon, ils chantent, ils paieront. Non, non, non, pas de ça, nous chanterons, oui là, mais nous ne paierons pas. Que demande le peuple? Que tous les financiers au guet soient pendus par les pieds. Ils auront, c'est clair, les jambes en l'air, les poches à l'envers. Leur argent tombera et c'est nous, Ouida, c'est nous qu'on le ramassera. Que demande le peuple? Qu'on fasse un peu moins travailler tous les corps de métier. Voilà le règlement que je vais prochainement soumettre au Parlement. 8 heures pour dîner, 8 heures pour flâner, 8 heures pour rigoler. Tra-la-la-la-la. Que demande le peuple? D'être moins dépouillé au guet par messieurs les huissiers. Quand je serai saisi qu'ils m'auront tout pris jusqu'à ma chemise de nuit, je recevrai tout nu ces voleurs d'écu en leur montrant mon... Que demande la France, ami? Que demande la France? Que les Français soient unis, oh oui, pour sauver le pays. Rions tous en cœur, le rire moqueur, c'est l'arme du frondeur. Sachez mes enfants que c'est en riant qu'il faut montrer les dents. Tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Qui sait ce qui nous attend demain? Français, serrons-nous là.